Me lo buscan. De la merde. Ouais, c'est nul. C'est nul. Je vais essayer tout. Comme shop after. Come on, sing it to the radio. Attends. Qu'est-ce que j'ai en 120? Tu as tout ce que tu veux, toi. Hein? Attends, on va faire un truc. Nanix Fager. Ich sage, komm schon, Alter. Hey, Sin-Junkie, wir brauchen dich, Alter. Komm mal rein, Alter. Wir brauchen dich, Alter. Hast du das schon kapiert? Wir brauchen dich, Alter. Wir brauchen dich. Sin-Junkie.